envoya les DJ. La mère cigale, Maloyan à coup de rock. La salsa nous met l'ambiance. La faille a tout rayonné, il aime ça. Que ou les jeunes ou les vieux n'avoyent son. Comme tu veux, nous oublie pas. Mette Sega, c'est comme ça, nous on est là. Tu passes sur la gauche, tu passes sur la droite. Devant D.I.A. tout le monde dans la boîte. Pareil ou le bon,